Vous êtes sur Particule Radio. Certains sont et d'autres ont le flow. Le 6-7 avec Rastaquet. Amis du matin, je vous salue bien. Il est 6h du mat et jusqu'ici, tout va bien. Tout de suite, pour commencer, une exclusivité. D'adolescence lors de mes études et de son innocence. Comme d'habitude, faut que je me prépare. La journée va être rude. Une putain de conférence et c'est moi qui dois expliquer devant les actionnaires la nouvelle arnaque devant endetté. Mon discours fout mal au cœur. Je me suis répété en boucle durant des heures. Même en me lavant, je continue de le ressasser. Ma misère a pris pour me donner l'envie de gagner. Mais en me brossant les dents, bah je suis incapable de me regarder. 7h30, je décolle pour les transports en commun. Et une heure avant d'arriver, toi, tu parles d'un quotidien. Ça fait des années que je suis dans ce monde dégueulasse. Mais pas le choix, avec mes crédits, faut que je garde ma place. Je n'aurais jamais imaginé être à ce point dans le schéma de la vie, du travail et de ses tracas. Qu'est-ce que je suis devenu, putain? J'ai comme la sensation de n'être qu'un pantin. Je peux même plus penser que je suis un humain. Je devrais arrêter de réfléchir comme je fais chaque matin. C'est ma routine depuis tellement longtemps que j'ai même plus l'impression de voir les gens. Leur démarche fatiguée, leur tête baissée, les sourcils froncés, tous victimes de la société. Moment que je préfère, ce qui éveille ma colère, ce que tout le monde appelle la fourmilière. Dans le couloir du métro, forcément il fait chaud. Je me fais braquer par en plus 4 blaireaux. Costard, cravate et ma super mallette. Ça va être facile, je dois ressembler à une fillette. Malgré son flingue, la montre est tout tremblante. Ton portefeuille, espèce de gland. Autour de moi, le monde fait semblant de rien. Trop peur, trop lâche, il continue son chemin. Ma monnaie, tu l'auras pas, même si ton gueule ne m'enchante pas. Ta solution, c'est de m'allumer, encore faut-il que tu saches viser. Comment c'est arrivé? J'en ai aucune idée. Le mec est désarmé et je l'ai même troué. Je crois bien que le mot fêlé a été lâché. Un sentiment de puissance m'envahit. Est-ce d'être armé ou d'avoir pris la vie? En ce jour, je supporterai plus d'être malmené. Je vais sortir d'ici, je ressens l'envie. Marcher. Les passants s'agitent à chacun de mes pas. Curieusement, aujourd'hui, tout le monde me voit. Je passe à proximité d'un chantier de démolition. Et là, on peut dire que j'ai comme une intuition. J'aurais seulement besoin d'un ou deux bâtons. M'en faudra-t-il plus pour foutre un vrai boxon? À l'ouverture de ma banque, je suis déjà installé. J'attends juste que mon boss vienne me faire chier. 10h moins le quart, j'ai la tête qui va exploser. Un rien m'emmerde, il faut être l'heure de tout faire sauter. Et au fait, qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Ce qui ferait classe, c'est la position de martyr. Je suis pas Satan. Je suis même pas croyant. Non, je suis pas déviant. Je forme pas un clan. Mais s'il a tout fout le camp, c'est que j'en ai simplement marre. Voilà, c'était sur toi qui interprétait Super Mallette, dont on doit dire que c'est un très bon morceau. Comment? Oui, pardon. Je comprends. On vient me dire qu'il faut que je précise que l'abus d'explosif, oui, c'est l'abus d'explosif. L'abus d'explosif est dangereux pour la santé, ou à consommer avec modération.